qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie pleinement. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Le mal ne t'atteindra pas, tu regarderas seulement de tes yeux le salaire des méchants, car l'Éternel est ton refuge, le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera ses anges sur toi pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le rassasirai.